maintenant à Stuart, le l'histoire. La prochaine chanson est l'histoire de Romeo et Juliette. De Liège, encore Liège, encore Liège, mais ce soir, ils ont le goût de faire l'amour. Ce soir, Romeo a téléphoné à Juliette pour l'inviter dans un drive-in. Oh, oui, oui. Juliette accepte. Dans l'auto, Romeo l'a déshabillé. Déshabillé et l'attache au steering. Soudainement, Juliette regardait sa montre. Elle dit, dommage, je dois partir à sa mère.